Il est monté sur la maison avec ses poutres et ses chevrons, et tout là-haut il s'est mis à chanter. Il a cloué tout le matin et mille fois courbé les reins, heureux de faire son métier. Dieu voit le travail du charpentier. Il construit le toit pour nous abriter, toi et moi. Dieu voit le travail du charpentier. Sur le mur, il est à genoux. Sur la charpente, il est debout. Comme on a peur de le voir tomber. Lui là-haut, il construit le toit pour nous abriter, toi et moi, heureux de faire son métier. Dieu voit le travail du charpentier. Il construit le toit pour nous abriter, toi et moi. Dieu voit le travail du charpentier. Quand la maison fut terminée, dans le ciel bleu il a jeté son chapeau et puis il s'est mis à chanter. Là-haut il a mis un drapeau et un bouquet de coquelicots, heureux d'avoir fait son métier. Dieu voit le travail du charpentier. Il construit le toit pour nous abriter, toi et moi.